Clé de voûte de l'immense comédie humaine, le Père Goriot, à l'image de la pension Wauquiez à Paris, est un carrefour où, en 250 pages, plusieurs destins se croisent et où se rencontrent les types d'humanité les plus surprenants. Notamment, le Père Goriot, vieillard peu à peu dépouillé par ses filles, Eugène de Rastignac, jeune provincial, que Vautrin, mystérieux personnage, va prendre sous sa coupe.